Comment a-t-on pu oublier Alice Saulier, une pionnière de la médecine en France ? Dans le répertoire photobiographique du corps médical français, publié en 1898, les notices individuelles des praticiens sont accompagnées, le plus souvent, d'une photographie. Mais dans le cas d'Alice Saulier, le cadre réservé à sa photo est resté vide. Deux facteurs peuvent expliquer cette invisibilité. Non seulement Alice Saulier était une femme, à une époque où l'exercice de la médecine était monopolisé par les hommes, mais Alice Saulier était aussi d'origine africaine par son père. L'entrée dans la corporation d'une femme métisse, on disait mulâtre dans ce temps-là, suscita un tel étonnement dans l'opinion que la presse s'en fit l'écho en 1887. Je cite « La femme médecin n'est déjà plus un objet de curiosité. Ce qui est plus rare, c'est la doctoresse nègre. Une de ces dernières, Madame Saulier, vient de passer avec succès sa thèse pour la médecine. » Née le 3 avril 1861 à Compiègne, sous le nom d'Alice Maille, Alice Saulier est morte à Paris le 29 janvier 1942. Son père était un esclave guyanais, affranchi en 1834 à la demande de sa propriétaire, qui émigra en métropole pour exercer l'art dentaire. À l'époque, il n'était pas nécessaire d'être médecin ou officier de santé pour soigner les dents. Il suffisait de payer une patente. Mais comme la loi du 30 novembre 1892, qui réglementa la profession, était en préparation, Alice, qui envisageait de reprendre le cabinet de son père, s'inscrivit à la faculté de médecine de Paris après avoir obtenu son bac. C'est là qu'elle fit la connaissance de son futur mari, Paul Saulier, et de son amie Blanche Edwards, qui joua un rôle majeur dans le combat ayant permis aux femmes d'exercer la médecine au début des années 1880. Reçue au concours de l'externat, Alice passa sa thèse avec succès, puis s'inscrivit en même temps que Blanche Edwards au concours de l'internat. Mais finalement, elle ne s'est pas présentée aux épreuves. Bien que l'on ne connaisse pas exactement les raisons de cet abandon, il se peut qu'elle ait été découragée par les manifestations organisées le jour du concours par de nombreux étudiants contre la présence des femmes. Alice fut peut-être découragée par ces discriminations sexistes, mais aussi par la stigmatisation de sa couleur de peau. Les témoignages de l'époque parlent en effet de la petite créole que tous les étudiants appellent « Bamboula ». Alice Saulier poursuivit sa carrière dans l'ombre de son mari, qui avait passé avec succès les épreuves de l'internat. Ils ont dirigé ensemble deux établissements de santé privés, la Villa Montsouris à Paris et le Sanatorium de Boulogne-sur-Seine. Alice est ainsi devenue la première femme à assurer la direction d'un établissement de santé consacré aux maladies nerveuses. Après le décès de son mari le 8 juin 1933, elle assura seule la direction de la clinique de Saint-Cloud et du sanatorium de la Malmaison à Rueil-Malmaison. En 1904, Alice avait déploré, dans un interview, le fait que les doctoresses ne sont pas traitées sur le pied d'égalité avec les docteurs, sans évoquer les discriminations qu'elle avait subies en raison de sa couleur de peau. Sans doute parce qu'à son époque, le préjugé de couleur n'était pas politisé comme il l'est aujourd'hui.